lorsque les idées confrontent, se confrontent. Dans leur tout conforme, les normes se confondent. C'est qu'on voudrait qu'on se fonde dans la masse. Ils confondent nos frondes avec des famas. Ils disent la photogène et le resto à masse. Si Sarko joue plus du gun que Lorenzo Lamas. Ils confondent petits clans des flippés et délinquants. Mec, ils aimeraient nous fliquer des 5 ans. Ils confondent taf en indé et piste de virgule Nike. Ils confondent char blindé et véhicule de bac. Pour un jeune qui se drogue pas, y'en a que dans Navarro. Ils confondent le maillot de Drogba et suite Guantanamo. C'est confondre nos streetwear, des vestes porcheries. Ils confondent la terre avec une vaste porcherie. Plus c'est contuse et plus tu fonces dans la confusion. Mais sache que personne n'en sort sans contusion. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur. Mais la moitié confond banquise et picard. Après râle quand le glaçon fond. Dans blanc cassé Ricard, en classe toujours au fond. Pour une vue globale sur une France en fond de faute. Au trou du local, ils confondent OMC, le poker entre amis. Ils ont confondu jackpot, plan du FMI. RMI, SMIC, Karcher, RMI sans famille. Ils veulent remplacer le Karcher par un tsunami. Binaire jusqu'à l'os, 1-0-0-1. Le pouce décideur comme César, autant des Romains. L'intégrité dans ce monde, mec, t'auras beau t'y mettre. C'est mort quand la justice se fera à l'applaudimètre. Ça vire au parano, chacun fait sa petite enquête. Mais j'ai plus peur des mineurs que des pickpockets. On t'apprend à chier dessus, là il a peur, ça fait consommer. Sauf que ceux qui chient dessus se trouvent au sommet. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur. En ces temps plus chauds que du plomb en fusion, pignon ou cruchot, pour moi y'a confusion. Confucius est formel, 2012 va faire mal. Les tensions ferment hall, seront pas que verbales. On nous pousse l'un contre l'autre, bien contre vôtre. Ils attendent qu'on se vôtre et non, rien pour recoudre. C'est vos tours, vous tournez autour pour votre votice courbe. Mixeur de vos serres à coups de gros discours. Ça confond tout et tout le temps. T'étonne pas si dans le fond tout fout le camp. Et confond d'avenir proche et mandat politique. Les connards, le monde s'arrêtera pas avec ta sortie de piste. Qu'est-ce tu veux? Dans ma tête c'est confus. Pendant qu'à petit feu la planète se consume. À quoi bon puisque crever est une fatalité? Autant confondre mes rêves et la réalité. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur. Ça confond à tout va quand les cons sont tout part. À des saoulés sous les ponts, hurler sur les boulevards. Alors y'en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. De quoi crouler sous les coups, s'écrouler de douleur.